03 ont sonné. Un bail que tout le monde est couché. 2h03 ont sonné. Il n'y a plus rien à la télé. Plus rien qui me tienne éveillé. 2h03 ont sonné. J'adore sur le canapé. 2h03 ont sonné. J'attends que le temps veuille bien passer. Et je reste tout seul assommé. 2h03 ont sonné. assommé de cesser. Mon sommeil. Le soleil a rêvé, mais ce n'était qu'une ombre. Qui dansait. La peur du néant, le mirage de l'hiver blanc. Qui hume le vent, qui hume le vent. La nuit blanche, la peur de la page blanche. C'est l'eau qui ruisselle, celle qui lave et qui sèle le sort d'une histoire dont on sort. Une fille forte. Thank you. Il veille sans trouver le sommeil, prisonnier de la nuit, cloué sur son lit. Il aspire à pouvoir dormir, remue des cases vides dans sa tête, et cette musique qui l'entête son sommeil. Aucune sonnerie de réveil, insomnie, perfide ennemi, vole ses rêves et son envie, vole le calme de ses nuits. S'envoler. 11h03 ont sonné.